Quand quelque chose me révolte, mon sang ne fait qu'un demi-tour. Je prends ma guitare et mes notes pour composer sans détour une petite chanson méchante pour exprimer toute ma rage. La question est la suivante: où sont les saints à Paris-Plage? Pourquoi, pourquoi, pourquoi y a pas de saints à Paris-Plage? Avouez que c'est dommage. Quant au string, je suis formel, je n'ai pas vu la moindre ficelle. J'entends déjà les croquants hurler sur la place publique qu'il faut sauver nos enfants de ce spectacle maléfique. Mais alors je leur réponds que si notre jeunesse dorée a besoin d'une protection, c'est plutôt contre la télé. Pourquoi, pourquoi, pourquoi les saints sont-ils interdits sur les plages de Paris? Même les strings, quelle idée, n'ont pas le droit de citer. Pourquoi les publicitaires auraient le droit, je vous prie, de montrer des fesses à l'air pour nous vendre leurs produits? Dans les rues, à la télé et même sur les abribus, on expose la nudité comme un argument de plus. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pour faire vendre un shampoing, on montre une paire de seins? Pour des produits de fitness, c'est plutôt des petites fesses. On nous abreuve sans arrêt du défilé des top modèles à coups de photos trafiquées dans les journaux du genre L. Moi ça me chagrine autant de débilité, ça complexe nos copines et ça fabrique les frustrés. Messieurs, ne riez pas, ça va être notre tour d'être comparé à des éphèbes tous les jours. Pour vendre n'importe quoi, on verra des hommes nus et on se mordra les doigts de pas être aussi bien foutu. On fera moi les marioles devant l'armée de Playboy. On sera plein de complexes sur la taille de notre sexe.